uciekł dar Krio. Dzielek są Costa Rica. A syn fu szapę to ma dała zo. Warys ten Costa Rica. Jestem na peti na la banan. Zmiele są pod paj do bale banal. Tu fais voyager la fichatal. 3-0 kazo petu dar Rio. Oiseau Tyson, Harali Kipi, demande à Tyson. Monsieur l'agent, moi j'ai rien fait. J'fais un snap tranquille, j'suis dans la zone. Demande à Bibi, snap c'est ma vie. Appelle-moi oiseau, j'parle à Chichi. Gabino CT, mêlé en I. Gabino Stané, mêlé en I. Un pet, deux pets, trois pets, Costa Rica. Deux pets, trois pets, quatre pets, Costa Rica. Ne jalouse pas, cette année on pète tout. Sur le pochon vert, il est seul, il met tout. Tu peux voyager 13-0, 15 on pète tout. Gabino, c'était, mêlé en pète tout. Gabino, cette année.